La croyance, au sens vulgaire du terme, commun, collectif en premier pour des raisons d'historicité, puis après pour l'individu en tant que somme expérimentale contextualisée, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est la polarité du doute dans la polarité réflexive dans le mental. La croyance, c'est la résultante du fait que l'individu psychologique, au fond, ne sait pas. Il ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il est polarisé entre le doute et la croyance. En effet, s'il savait, il n'aurait pas besoin de douter ou de croire. L'homme, en tant que créature mortelle, ressent de la peur, de l'angoisse, et la croyance, c'est une compensation pour l'information qui manque. Les animaux sont spirituels, au sens d'une sorte d'animisme primaire, mais seul l'homme est religieux, parce qu'il a la capacité de réfléchir des formes sur le plan mental, par son intellect, sa psychologie. Le collectif et la mémoire, plus souvent qu'autrement, jouent un rôle trop évident dans la spiritualité des individus pour qu'on n'en tienne pas compte en l'observant. Plus souvent qu'autrement, quelqu'un né en Algérie dans une famille musulmane, par exemple, sera musulman. Et quelqu'un qui est né ailleurs, spécifiquement, par exemple, dans le sud-est asiatique, plus souvent qu'autrement, sera bouddhiste, par exemple. Quelque part, vient réellement, qu'est-ce qui vient réellement de l'individu? Quelle part vient réellement de l'individu? Et quelle part vient d'influence liée au contexte dans la spiritualité de l'individu? Spirituel, ça ne veut pas dire nécessairement conscient. Généralement, dans le monde, on constate que les sociétés ritualisent surtout la naissance, la mort, les phases importantes de la vie, comme l'entrée dans l'âge adulte, le mariage, les récoltes, la fertilité, par exemple. Mais la religion, ça vient formellement du collectif, alors que la conscience, c'est surtout individuel. Beaucoup de gens évacuent de l'angoisse par les rituels. Ils ont l'aide de structures sociales traditionnelles pour gérer un trop-plein d'énergie psychique par rapport justement à des inconnus, puis aussi au niveau de gérer leur psychologie. Il est quand même indéniable que certains individus ont besoin de rituels, de spiritualité, puis que c'est de toute façon au niveau des sociétés un droit qui est censé être fondamental, qui est donc une reconnaissance d'un besoin. Le rituel est toujours lié, en général, à une action de régulation du psychisme à travers des représentations. Donc, comme certains individus sociaux qui placent naturellement les corps de leurs congénères en rangée dans des cimetières, ben, il y a certains insectes sociaux qui, naturellement, vont mettre en rangée dans des sortes de chambres funéraires des insectes morts. Donc, c'est-à-dire que l'individu, comme l'insecte social, il est social, c'est-à-dire influençable, entre autres. L'individu sera nécessairement influencé par son milieu, son inné, son vécu, le contexte, l'éducation, les influences, comme les conflits puis les aversions, auront nécessairement une incidence sur le rapport de l'individu avec son propre psychisme, sa personnalité, sa spiritualité. Mais tout ça, c'est circonstanciel. En grande partie, ça n'a rien à voir avec la conscience. L'être humain moyen est émotif, c'est-à-dire qu'il est réactif. Et que les structures d'entrée de l'énergie au sens de la mise en mouvement ne sont pas conscientisées. L'énergie se disperse dans la programmation et la majeure partie de la mécanique psychique de l'individu n'est pas intégrée par la conscience. Il n'y a pas d'observation possible du psychologique propre. L'individu qui observe reste sensible. Lui, c'est lui qui a la capacité d'observer, il reste sensible, même plus sensible encore, mais pas nécessairement plus émotif pour autant. au moins, il n'y a pas le piège de penser que si la croyance, c'est la polarité du doute, mais aussi de l'ignorance au niveau du psychologique, donc la solution serait la connaissance. Ça, c'est un piège. C'est un piège dû à la polarité dans le mental encore. Dans les milieux scientifiques, politiques, idéologiques, c'est aussi émotif et violent que dans les guerres de religion, des fois souvent. C'est l'inconscience de l'homme et la toute-puissance de programmes et de conditionnements sur les individus dans le monde qui est aberrant. Les forces non conscientisées qui étaient autrefois canalisées en partie par la religion en Occident sont aujourd'hui moins filtrées et la culture populaire en reprend toujours un relent de paganisme antique, parfois un côté tribal. Intelligence comme intelligentsia, dans le fond, ça veut dire de l'information, pas au sens de la connaissance, mais au sens peut-être limité, mais clair, spontané sur certaines choses. La conscience, c'est de l'intelligence. La conscience, c'est quand l'information, c'est du réel, spontané, une vue. Il n'y a pas de choix d'avoir de l'intelligence dans la conscience parce que c'est un principe universel. C'est comme l'amour. C'est pas juste un sentiment, c'est aussi une force de vie active qui existe en dehors des psychismes qui le captent. Ça lie les êtres. De l'amour puis de l'intelligence vont engendrer du respect de la vie. Si vous ajoutez de la volonté, vous allez vouloir la justice, défendre la vie. Mais ça prend de la conscience. On peut se détruire par l'amour, la bonne volonté, virer fou par trop d'intelligence, être désaxé, si vous voulez. La structure psychologique de l'individu est trop limitée pour contenir la conscience de toute la mécanique psychique. Puis là, je parle la structure psychologique. La croyance a des fonctions toutes liées au mental inférieur. Au fond, la croyance ne compense pas l'ignorance au point où des croyants l'appellent vérité. Ils vont faire jusqu'à l'appeler vérité ou connaissance. Elle compense l'inconscience mécanique du moi psychologique dans le fond. Celui qui fait le bien par croyance sera toujours moins spontané que celui qui le fait par conscience. Agir selon sa conscience, c'est une affaire de conscience, pas d'idéologie ou de raisonnement, comme peuvent le penser des individus seulement psychologiques. L'amour réel vient de la conscience de l'autre, et parfois la conscience de l'inconscience de l'autre qui appelle à l'indulgence mesurée, ajustée. Qui aime bien châtie bien, ça ne veut pas dire de battre vos enfants. Ça veut dire que l'amour réel, c'est conscient, donc lié au discernement. Un châtiment ne doit pas être cruel. Une correction, c'est un rajustement. Ça doit être lié à une bienveillance. Sinon, il n'y en a pas de légitimité réelle. L'individu psychologique verra que son autorité réelle diminue. Et il voudra compenser avec de l'autorité psychologique, il deviendra dominant. Le roi est écouté parce qu'il est craint, le sage parce qu'il est conscient. En temps de crise, le roi consulte les sages. Le grand-parent est moins porté à punir, pourtant il est souvent mieux obéi que le parent. Le grand-parent, même psychologique, a souvent quand même plus intégré que le parent par son expérience. Ce n'est pas nécessairement dû aux croyances de l'enfant, c'est dû à son ressenti, au fond, face aux figures d'autorité, sa conscience dans ses rapports. L'amour, puis la bienveillance d'un grand-parent peut lui donner plus d'autorité que le zèle d'un parent à bout qui cherche à raisonner unilatéralement de force un enfant, sans voir qu'il y a une personne, un individu devant lui. L'amour, ça fait partie de la conscience, comme la volonté puis l'intelligence. Qui aime bien châtie bien, c'est un appel justement à la tempérance, à la mesure, à être ajusté, avoir du discernement. La conscience réelle, c'est une vue dans le réel. Donc, la lumière, donc tout ce qui est aveugle, devient une force des ténèbres. Ça va engendrer du mal. La confiance aveugle, la croyance aveugle, l'amour aveugle. Si vous n'avez pas de conscience réelle, spontanée, au-delà du mémoriel formel du plan réflectif, vous êtes comme si vous veniez juste d'être jeté dehors du jardin d'Éden. Dans le fond, vous êtes aussi vulnérable que le bébé qui vient de venir au monde. Mais en plus, vous êtes dangereux. Aimez-vous les uns les autres, à mes yeux, ça revient aussi à soyez conscient des autres. Prenez les principes intelligence, amour, volonté. L'amour intelligent, c'est du respect. L'intelligence de l'amour, c'est de la bonté. L'amour de la volonté, c'est du courage. La volonté de l'amour, c'est la justice. L'amour de la volonté, c'est la bienveillance. La volonté de l'intelligence, c'est la droiture. L'intelligence de la volonté, c'est la justesse. Intelligence, amour, volonté, respect, bonté, courage, justice, bienveillance, droiture, justesse, justice, clarté. Vous pouvez permuter les formes tant que vous voulez. Vous verrez que tout mène à tout. Jusqu'à dissolution des formes, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vibration. Les formes, c'est des formes. L'important, c'est pas ce que je vous dis. C'est ce que veut dire ce que je vous dis, dans le fond. Prenez le mental, le vital, puis l'émotionnel. Le mental du vital, c'est l'émotionnel, dans le fond. C'est aussi le vital du mental dans les structures inférieures, l'émotionnel. L'émotionnel du vital, c'est grâce au mental, comme le vital, c'est de l'émotionnel qui serait investi par le mental. L'émotionnel pour le mental, c'est vital. Le mental émotionnel s'est alimenté par le vital. Le mental émotionnel s'est alimenté par le vital, comme les concepts cessent d'être des restrictions pour une pensée universelle. Les grands principes, c'est pas des concepts. Au fond, là, c'est des formes. Puis c'est toujours ce qui est au-delà de la forme, au fond, qui c'est pour ça qu'on va parler la vibration. C'est pas du jargon de nouvel âge. C'est simplement qu'à un moment donné, ça va prendre un lexique pour en sortir du psychologique, puis aussi avoir une étude pratique de ces choses-là plus subtiles. Derrière la forme, c'est des lois de l'énergie, des forces dont je parle. La croyance, souvent, c'est un investissement psychologique dans des formes, hein? Une activité de compensation, souvent, pour compenser les inconnus. Les forces inconnues, les lois qui régissent l'inconnu, les formes de la croyance permettent de gérer de l'angoisse. C'est à ça que ça sert. La croyance, c'est une activité de compensation. Ça veut dire que la croyance, c'est le résultat de la lutte entre les ténèbres puis la lumière dans la conscience de l'individu. L'être humain a peur, surtout de l'inconnu. Nous avons peur de paniquer si nous avons accès à toute l'information. Nous paniquons si nous n'avons pas accès à assez d'informations puis qu'il y a trop d'inconnus. Donc, l'individu psychologique sera porté à meubler le vide avec des babioles, des petites balises dans un espace restreint pour se protéger d'un vaste monde de mystères qui l'effraie. Parfois, l'individu recevra les secours du désespoir. Il se sent dupé. Il jette ses babioles avec fracas, puis après la tempête, il allume une toute petite lampe, puis constate le vaste infini autour de lui. Il a franchi le mur de sa peur et il a allumé sa lampe. Quelqu'un qui a sa lampe allumée, il ne se demande plus qui il est, puis qu'est-ce qu'il fait sur Terre. Il sait que ces questionnements-là, c'était des illusions de son inconscience. L'identité, c'est la lucidité active de sa conscience. Donc, il n'y a plus à se poser ces questions-là. Ce qui forge l'identité, c'est l'intégration, l'identité réelle à ce niveau-là. Parce que qui vous êtes est lié à votre capacité de ce que vous pouvez voir du réel, du monde, de l'autre. C'est votre capacité de perception du monde qui définit qui vous êtes, ce qui vous définit, les frontières de qui vous êtes dans le monde. Puis, ce que l'individu fait sur Terre n'est plus une question qui se pose. Celui que sa lampe est allumée ne se demande pas ce qu'il doit faire. Il se laisse faire. Il se laisse faire par sa conscience. Il cesse de combattre. Il sait qu'au fond, il est toujours en mesure de voir ce qu'il a à faire. Au fond, c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est le moi psychologique avec ses lacunes. Si vous savez toujours ce qu'il y a de plus logique et ce qu'il y a de plus intelligent à faire, vous n'avez plus besoin de libre arbitre. Vous voyez, vous avez une vue. Ça, c'est quand votre identité réelle est fusionnée avec votre conscience. Dans le sens que votre conscience puis votre identité, c'est la même affaire. La même maudite affaire. Parce que, dans le fond, la croyance, ça vient d'une fausse identité, une identité circonstancielle, sociale, psychologique. Souvent, l'individu va être hindou parce qu'il est né chez des hindous, ou il va être musulman parce qu'il est né chez des musulmans, ou alors il va être d'une autre confession, d'une autre religion, parce qu'à une certaine époque, il y a eu conflit, puis il est en conflit avec son milieu. Donc, par révolte, il va embrasser une foi qui n'est pas celle de ses aïeux. Mais ça revient au même. C'est tout pareil. C'est tout pareil.